Bonjour chers auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à l'écoute de ce journal de cette mi-journée dont voici les grands titres. Organisation d'une marche ce samedi dans tout le pays pour exprimer la satisfaction par rapport à la levée des sanctions prises contre le Burundi. Au cours de ce journal, nos confrères qui se sont rendus en mairie de Bujumbura et au centre-ville de Lumonge vont nous décrire l'ambiance qui y régnait. Et le phénomène d'enfants soldats n'est plus d'actualité au Burundi. Propos de Jacques Chimilimana, défenseur des droits des enfants. C'est au moment où le monde entier célèbre la journée dédiée à l'enfant soldat. Et plus de 70 ménages de la commune, de la communauté Watoa en province de Changuzo font face au manque d'habitats décents et des terres cultivables. Voilà pour les titres. Eli Kadogwa sur la mise en onde au micro, c'est Vestine Boutoui. Encore une fois, bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page Bonne gouvernance. Monsieur Nzonimana Adrien, suspendu de ses fonctions d'administrateur communal Nyabihanga en province de Mwaru. Selon l'ordonnance ministérielle du 11 de ce mois, cet administrateur n'inspire plus confiance de la population suite à son comportement scandaleux et indigne d'un dirigeant. Il est accusé de compromettre l'économie et les finances de la commune Nyabihanga. Et en page éducation, environ 55% des directeurs provinciaux et communaux de l'éducation affirment que la réforme de l'enseignement fondamental au Burundi n'a pas pris suffisamment en compte les enfants vulnérables. Cela ressort du rapport portant sur l'évaluation formative de la réforme de l'enseignement fondamental au Burundi allant de 2013 à 2019. Ce rapport montre les ajustements clés que proposent ses responsables, notamment les constructions et la formation des enseignants en prise en charge des enfants vulnérables. Le contenu de ce rapport avec Jean Dozieu, il a causé. Selon ce rapport, la majorité des directeurs provinciaux et communaux de l'éducation, à environ 55%, affirme que la réforme n'a pas suffisamment pris en compte les enfants vulnérables. Pour eux, les constructions dans le cadre de la réforme tiennent moins compte de spécificités des personnes vulnérables, filles et handicapées, et il n'y a pas assez de mesures en phase de la réforme, gratuité et cantine scolaire, qui faciliteraient l'égalité d'accès au système éducatif et que la contribution de la réforme à équilibrer les écarts de niveau entre les apprenants n'est pas perceptible, ajoute ce rapport. Quant à environ 46% des directeurs provinciaux et communaux qui estiment que la réforme a suffisamment pris en compte les enfants vulnérables, ils déclarent qu'assez de mesures en phase avec la réforme, gratuité et cantine scolaire qui faciliterait l'égalité d'accès au système éducatif ont été introduites et la réforme contribue à équilibrer les écarts de niveau entre les apprenants et les constructions réalisées dans le cadre de la réforme tiennent beaucoup compte des spécificités des personnes vulnérables, filles et handicapées, indique ce rapport. Pour une meilleure prise en compte de personnes vulnérables, les directeurs provinciaux et communaux proposent essentiellement comme ajustement clé de prendre en compte les spécificités des personnes vulnérables dans la construction des infrastructures et dans l'élaboration de Kulkura et des programmes scolaires et former les enseignants dans la prise en charge des élèves à besoins spécifiques, conclut ce rapport. Merci Jean de Dieu. Il a causé en page 3 de l'Homme. Plus de 3000 enfants soldats ont été intégrés socialement après les accords de cessez-le-feu de 2005. Les propos sont de Jacques Chimilimana, défenseur des droits des enfants. C'est au moment où ce samedi, le monde célèbre la journée des droits des enfants. Jacques Chimilimana se réjouit que ce phénomène ne soit plus d'actualité au Burundi. Il interpelle toutefois les Burundais à rester vigilants pour éviter que ce phénomène se reproduise, vu que le Burundi se trouve dans une sous-région qui est toujours minée par des guerres. On l'écoute. C'est une journée qui nous rappelle les engagements de nos États en matière de protection des enfants, surtout en situation de conflits armés. Pour le cas du Burundi, aujourd'hui le phénomène n'est plus d'actualité. Nous sommes dans un pays où la sécurité et la paix règnent dans tout le territoire, sur tout le territoire national. Donc le pays n'est pas en guerre, donc le phénomène n'existe pas aujourd'hui. Mais c'est un phénomène que nous avons connu pendant plusieurs années, où les rapports montrent qu'il y a eu plus de 3000 enfants qui ont été exploités dans les conflits armés. Et aujourd'hui, ce que nous saluons, c'est la sensibilité des autorités burundaises sur ce phénomène. parce que aucun rapport, aucun signalement depuis la signature de l'accord de cessez-le-feu entre l'État du Burundi et le dernier mouvement rebelle, aucun signalement d'un cas n'a été jusqu'à présent signalé. Mais cela ne veut pas dire que la menace n'y est pas. Nous sommes aux côtés d'un grand pays, la République démocratique du Congo, qui, selon les rapports, surtout le rapport de l'Organisation internationale du travail, OIT, dit que lui seul, donc on compte plus d'un tiers d'enfants soldats. Donc nous devons rester vigilants pour éviter que nos enfants soient recrutés dans ces hostilités. Il est 13h passé d'une minute au studio de la radio Isanganilo. Le journal est continu et en page société. Plus de 70 ménages d'évatoires de la colline Gatungurgwe, commune et province de Tchanguzo, vivent sur un espace ne mesurant qu'un hectare. De plus, ces personnes déplorent le manque d'habitants décents. Et les chefs de colline reconnaissent la misère qui hante ces évatoires et demandent aux autorités hiérarchiques de les appuyer. Et quant à l'administration communale de Tchanguzo, ces évatoires reçoivent de l'aide, mais regrettent la vente de celles-ci sur les marchés. Les détails de Raymond Modende. Il s'agit de 77 ménages vivant sur un hectare seulement de terre domaniale. Ceci la sous-colline Nyarurambi, colline Gatungugwe, près de la route Tchanguzo-Michiha-Gisagara, à peu près à 8 km du chef-lieu de la province Tchanguzo. Ces batois disent vivre dans les conditions d'extrême pauvreté, notamment par manque de terres à cultiver et d'habitations décentes, contrairement au reste de la population de cette colline. Les maisonnettes construites en paille restent la pluie entrée à l'intérieur des maisons, selon toujours la confirmation de ces batois. Ferdinand Atungimana, chef de colline Gatungugwe, reconnaît les conditions précaires dans lesquelles vivent ces ménages évatoires. Lui demande à l'administration communale d'apporter le soutien à ces familles évatoires, non seulement en leur octroyant des terres domaniales, mais aussi en les appuyant en semences pendant cette saison culturelle. Chantal Irakoze, l'administrateur de la commune Tchanguzo, dit que si l'aide est disponible, elle est donnée à tous les vulnérables, y compris ces évatoires. Mais l'administrateur critique la mauvaise habitude de ces évatoires de vendre l'aide, notamment l'aide en tôle et en cheptel. Depuis Tchanguzo, Raymond Moudende, Radio Isanganiro. Merci Raymond Moudende. En page coopération, des organisations de la société civile, dont APES Plus, CODIP et Folicon F, ont organisé ce samedi une marche manifestation pour remercier les USA et l'Union européenne pour avoir levé les sanctions qu'ils avaient prises contre le Burundi. Dans une déclaration sortie par ces organisations, elles appellent les pays qui maintiennent toujours des sanctions à emboîter le pas des USA et de l'Union européenne. Et l'élément sonore n'est pas encore disponible. Les mêmes organisations de... les mêmes pratiques ont été faites en province Rumonge, où des sanctions prises contre le Burundi étaient injustes. Et ce sont des propos du pasteur Shadrach Ndaisenga qui s'est exprimé au nom de la société civile à Rumonge lors de cette marche de reconnaissance envers l'Union européenne et les USA après la levée des sanctions contre le Burundi effectuée ce samedi. Et certains habitants de Rumonge présents dans cette marche demande que cette reprise de coopération soit bénéfique pour tout le monde. Et voilà, c'est par ici qu'on nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée de ce samedi. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eli Kadogo pour sa parfaite collaboration. Vestine Boutoué, j'étais à la présentation. Au revoir. Passez un bon après-midi. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute. Burundi, UE, Ahorero. Titre en une de sa parution cette semaine, le groupe de presse Iwachu. Et c'est pour exprimer un ouf de soulagement dans la langue nationale Kirundi après la levée des sanctions économiques prises contre le Burundi depuis 6 ans. C'était en mars 2016. Selon l'éditorialiste de ce journal, il y aura un dégel des fonds estimés à 431 millions d'euros gelés des suites des sanctions. Sauf surprise, il y aura un effet de rattrapage. Le pays devra bénéficier à la fois du Fed 11 et du Fed 12 en cours. En tout, un montant avoisinant les 850 millions d'euros. Comme le précise un expert en économie cité par son confrère, le grand défi sera la capacité d'absorption de ces fonds à l'intérieur du pays. À son humble avis, c'est faisable, lance l'éditorialiste du journal Iwachu, qui conclut qu'il faut repartir sur de nouvelles bases, prenez la force de l'argument. Par-dessus tout, il faut une volonté politique. Le ministère en charge de l'agriculture est appelé à mettre en place une société regroupant les riziculteurs de la Ruvubu à l'instar de la SRDI. Rapporte l'agence burundaise de presse. Dans une réunion avec les riziculteurs et dont nous fait écho son confrère, le conseiller du gouverneur de Kayanza en charge du développement a rappelé que le marais hydro-agricole aménagé de la Ruvubu s'étend sur plus de 700 hectares et qu'il se trouve sur une longueur de 17 km, d'où la proposition au ministère en charge de l'agriculture de mettre sur pied une société chargée de suivre régulièrement ce marais, à l'instar de la SRDI, en vue de permettre à ce marais de devenir dans l'avenir le grenier de la culture du riz. De son côté, le directeur de la promotion de la filière agricole, cité toujours par l'ABP, a exhorté les exploitants de ces marais à se regrouper en coopérative afin d'avoir facilement et en temps réel les fertilisants et les semences et les produits phytosanitaires. L'ABP signale que les techniciens en provenance de la Société régionale de développement de Limbo ont présenté les techniques et des activités agricoles nécessaires depuis l'installation des gémoires des semences du riz jusqu'à la récolte. Revue de la presse. Université du Burundi, les hommes universitaires en piteux état, rapporte le journal Burundi Echo. En effet, dans une correspondance adressée au recteur de l'Université du Burundi le 1er février 2022, la représentation des étudiants alerte sur l'insécurité causée par l'obscurité et le manque d'hygiène. Comme l'écrit ce journal, les étudiants font savoir que les auditoires sont fermés par manque d'éclairage, que certaines toilettes ont été fermées suite au manque de matériel de plomberie, que dans certains hommes, l'eau se déverse toute la journée à cause du manque de matériel pour fermer les robinets. Le cours de religion n'est ni principal ni secondaire, constate la voix de l'enseignant, qui fait remarquer que soit il est enseigné et fait l'objet d'évaluations, mais ne compte plus comme échec pour celui qui l'échoue, soit il est dispensé dans l'une ou l'autre classe dans un établissement et la note d'évaluation n'est pas marquée sur le bulletin. Dans l'actualité des pays de la communauté est-africaine, le quotidien congolais L'Avenir écrit sur la condamnation de l'Ouganda par la Cour internationale de justice et surtout la réaction de Rose Mutombo, la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, satisfaite de l'aboutissement de la procédure. En effet, rappelle ce journal, la Cour internationale de justice a rendu son arrêt sur la question de réparation dans l'affaire des activités armées de l'Ouganda sur le territoire de la République démocratique du Congo. À en croire cet arrêt, Kampala doit verser 325 millions de dollars à Kinshasa. 225 millions de dollars concernent les pertes en vie humaine et pour les dommages aux ressources naturelles, 60 millions. Sur place à La Haye, aux Pays-Bas, précise ce confrère, la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux a déclaré qu'elle fera le rapport à sa hiérarchie et voir dans quelle mesure la République sœur de l'Ouganda va respecter le verdict le 1er septembre 2022. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Sheila Irambona et Jean Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.